la paix. Il n'a jamais proclamé amour, liberté. Ouais, n'a jamais lancé la pierre à la jeunesse, à l'Angleterre. Ouais, n'a jamais lancé la pierre aux militaires. Ouais, n'est de ceux qui transforment l'univers. Mais la révolution, il la commence en lui. Et passe les saisons, tout change. Et passe les saisons, tout change autour de lui. Jamais réclamé la Bible ou Trotsky. Gwen a dressé des barricades contre sa propre intolérance. Gwen a voulu pour camarade la bienveillance. Gwen est de ceux qui transforment l'univers. Et la révolution, il la commence en lui. Et passe les saisons, tout change. Et passe les saisons, tout change autour de lui. Gwen dit que l'homme, c'est du bel ouvrage. Pourquoi devient-il serpent, mouton, loup sauvage? Gwen a choisi pour capitale la pensée libre et souveraine. Gwen a bâti des cathédrales d'amour humain. Gwen est de ceux qui transforment l'univers. Et la révolution, il la commence en lui. Et passe les saisons, tout change. Et passe les saisons, tout change autour de lui.